C'est la reprise sur Make It Deep dont nous avons le grand plaisir de vous présenter le nouveau format, davantage orienté sur le débat et les questions historiques, sociologiques, voire politiques de la scène de la musique électronique. Comme d'habitude, je serai accompagné tout au long de cette prise d'antenne de Léo. Salut Léo. Salut Simon. Et d'Alexandre à la console, à la réalisation. Au menu de cette émission donc, le premier des deux volets d'une mini-série dédiée à la club culture française. En effet, qu'est-ce que la club culture en France? Lorsqu'il s'agit d'aborder l'histoire de la musique électronique européenne dans les années 90, on évoque souvent le mouvement rave, mais le club reste un sujet encore peu exploré. Si la club culture se définit avant tout à travers certains lieux nocturnes mythiques des États-Unis comme le Music Box, le Loft, le Paradise Garage ou encore le Warehouse, qu'en est-il de son expression française? Existait-il d'ailleurs une vraie club culture en hexagone et quels en étaient ses acteurs, ses théâtres et son atmosphère? Voici par exemple certains questionnements que nous aborderons en compagnie de nos trois invités du soir. Patrick Vidal, d'abord chanteur et bassiste pour le groupe de New Wave Marie et les Garçons dans les années 70. Il se lancera dans le DJing après un passage à New York en 82. Il obtient des résidences au Bain-Douche puis au Palace où ses All Night Long deviendront des immanquables des nuits parisiennes. Il lance ensuite le duo Discothique en 90 dont le titre Sex sortira sur Ravage Records, considéré comme le premier label techno house français. Aujourd'hui, Déa de l'Alcazar, il dirige également un groupe intitulé A Boy Called Vidal. Fabrice Gadeau, à la tête du Rex Club depuis plus de 10 ans, mais qui organisait des soirées dès 93 après avoir découvert le mouvement rave en 92. Et enfin, Éric Labbé, qui est un acteur du milieu de la nuit depuis 25 ans en tant que DJ, producteur d'événements, responsable de la communication de différents clubs, disquaire même pendant un temps avec l'aventure My Electro Kitchen. Il est également à l'origine de la pétition Paris quand la nuit meurt en silence, qui débouchera ensuite sur les nuits capitales. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. J'ai oublié quelque chose, j'ai fait une erreur, quelque chose à préciser. Ouais, 25 ans, je trouve que c'est extrêmement exagéré pour moi, mais je suis arrivé tardivement dans ça. J'étais bassiste 3 jours, si tu veux des précisions, c'est guitariste. Ok, d'accord. Bon, avant de débuter cette émission, je crois que Léo, tu peux nous éclairer un peu sur ce que l'on entend précisément par Club Culture. Du coup, pour devenir ce qu'il a défini, la club culture se nourrit des manifestations qu'elle produit. Et comment définir un phénomène en constante évolution? Il est d'abord admis que la club culture est une demande et une habitude maintenue par son acteur principal, le clubber. Et ce qui la caractérise, c'est la musique, objet dématérialisé et incarné par le DJ. Ce qui la détermine, enfin, c'est l'envie de partager cette musique avec une communauté au goût similaire dans un même endroit où il est possible de s'exprimer librement par la danse, la drogue et l'alcool suivant les périodes de l'histoire et les rencontres. Un peu d'histoire pour resituer quand même cette définition théorique. À New York, dans les années 70, David Mancuso faisait des soirées disco toutes les semaines dans son loft. Et les habitués étaient Larry Levan ou Frankie Knuckles. Le monsieur avait même pensé à un système son chez lui grâce à un ami acousticien. Et ce que les discothèques de l'époque ont retenu et appliqué dans leurs murs, c'est un format de la musique et un phénomène d'adhésion entretenu par un public demandeur. Finalement, le Paradise Garage, le Studio 54 ou le Tunnel ont permis à ce dernier, le public donc, de profiter de vraies fêtes peu à peu devenues commercialisées. Alors qu'il existait déjà des clubs dits institutionnels à la fin des années 70, jusqu'à la fin des années 90, la musique électronique a dû prendre un format nomade, voire illégal, pour échapper aux interdictions et à la répression. Aujourd'hui, la notion même de rave party est un souvenir, une nostalgie qui motive les nouvelles générations, habituées à danser et faire la fête en toute légalité. Alors qu'est-ce que la club culture dans les années 90 donc? La réponse avec nos invités ce soir, mais juste après un peu de musique. On en profite du coup pour vous faire découvrir en avant-première le nouveau Various du label Super Tough. Avant sa sortie le 24 octobre, voici I Chose You Because de Long Island Sound, extrait du disque et en exclu sur Make It Deep. voilà, donc c'était I Choose You Because de Long Island Sound sur Make It Deep en exclusivité que vous pouvez retrouver sur notre SoundCloud. On va donc entamer cette première partie et on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un club dans les années 90. Impossible en effet d'aborder la club culture sans se pencher dans un premier temps sur son lieu d'expression. Alors qu'est-ce qu'un club en France dans les années 90, messieurs? C'est un club juste après 4 ans après les années 86. C'est pas très très différent. Hein. Ce que j'ai constaté, c'est que c'était l'arrivée des wine night clubs, comme des wine night parties, pardon, où il n'y avait plus DJ résident et donc on commençait à faire des soirées dans des clubs différents avec une particularité, c'était une musique spéciale avec un DJ spécial dans ce club là qu'on connaissait déjà. Auparavant, c'était je l'ai pratiqué pendant des années, 23h, 7h, un résident, et on venait pour le club. On ne venait pas tant pour le DJ, on venait pour le club et pour le DJ. Mais on ne venait pas pour écouter forcément un DJ. Même les gamins du garage disaient, mais non, on ne savait même pas que c'est Larry Levan, on venait pour le garage. C'était à peu près pareil à Paris, on allait au 7, au Bain, au Palace. Ensuite, il y a eu l'arrivée des White Night Parties, où on a commencé à partir un peu dans des endroits différents, qui n'étaient pas connotés, ni soul, ni funk, et ça commence. Pour moi, c'est la grosse différence, hein, vraiment. Oui, je suis assez d'accord. Moi, je dirais la même chose. Moi, c'est vrai que quand je sortais en club, moi, j'allais à la Loco à cette époque-là. Mais c'était un DJ résident et on y allait parce qu'à l'époque, c'était un peu rock indé et new wave. Donc, on avait la piscine aussi dans le même style. Mais effectivement, il y avait un seul DJ qui jouait toute la nuit et toutes les semaines, c'était le même DJ. En fait, je crois qu'il était embauché par moi, payé par moi. Et voilà. Donc, c'était souvent les mêmes disques aussi, quand même. Hein. Mais c'était ce qu'on recherchait aussi à l'époque. Hein. Le club était propriétaire des disques. Aussi. Oui, la discothèque était derrière le DJ en général et il piochait derrière. Ce qui permettait de jouer 7 heures. Moi j'avais une armoire au bain-douche et je jouais. Voilà. Très pratique. Pour le dos, hyper voilà. Bien. Très ouais, bien pour le dos. Ouais. Et donc du coup, qu'est-ce que représentait le club pour le fêtard à l'époque? Quel était le rapport du fêtard au lieu, au club? Alors ça c'est le... Moi j'ai toujours été en club, moi j'ai vraiment du club donc j'ai pas trop de... Moi j'allais vraiment écouter de la musique donc le lieu était... Voilà, c'était le type de musique par rapport à l'établissement et on allait spécifiquement écouter la musique qu'on aimait quoi. Mais il n'y avait pas un rapport particulier avec le club. Il y avait un rapport avec la musique mais pas forcément avec le lieu. Dans l'imaginaire, moi encore une fois j'étais très peu dans cette culture là donc je la regardais un peu de l'extérieur comme un kidam et le sensation que j'avais c'est qu'il y avait une espèce d'aura quand même sur des soirées, sur des lieux, et effectivement pas tellement sur des DJ, enfin il fallait être plus connaisseur pour savoir qui était derrière les platines, mais par contre effectivement un Palace, quand on parlait du Palace à la fin des années 80, début des années 90, c'était quelque chose quoi, c'est quelque chose dans lequel on allait déjà jamais réussir à rentrer, c'était un truc comme ça, il y avait un truc d'exclusivité, c'était on n'allait pas acheter des préventes, on se pointait et puis c'était l'aventure, on savait pas si on allait rentrer. C'était un truc un peu plus mystérieux peut-être qu'aujourd'hui, où on a l'impression que c'est plus balisé. Ça n'existait pas surtout. Absolument. C'est que nous on est dans les clubs petits, tout d'un coup il y a eu des unités, on appelait ça les usines à danser, on ouvrait des théâtres avec 2000 personnes et on n'a jamais dansé là-dedans. C'était des petits clubs en général, à Paris ou en province, c'était le 7, c'était minuscule. Puis il y a aussi l'élément. À mon avis principal, c'est la disco en 78-79 et un petit peu avant, où on a créé une musique spécialement pour les clubs. Avant, on sortait en club, on écoutait du rock, psychédélique, enfin ça a toujours existé un club. Hein. Mais c'est là où on a créé un format qui est le Maxi 45 Tours et on a créé une musique spécialement faite, produite pour les clubs. Donc ça a été une corrélation directe. Ça paraît complètement évident, mais à l'époque, c'était pas du tout évident de créer un maxi 45 tours avec un break pour que les danseurs puissent encore plus. Mais Gérald le raconte très bien dans son livre sur le bar de ce garage où il a créé la première passe instrumentale pour pouvoir mixer plus longtemps et ainsi de suite. Mais c'est vraiment le vrai moment où ça a changé. On allait en club pour écouter une musique que de club. D'accord. C'est pour ça qu'elle a été si décriée d'ailleurs, parce que ce n'est pas de la musique. Enfin, on l'a entendu pour la disco, pour la house. Et... parce qu'on continuera. Et d'ailleurs, on est toujours là parce que c'est pas de la musique, c'est juste de la merde. On a écouté pendant 40 ans. C'est pas grave. Et donc, du coup, effectivement, il y a une question qui se pose aussi, c'est qui allait en club au début des années 90, fin des années 80. Est-ce que c'était déjà aussi divers qu'aujourd'hui, ou est-ce qu'il y avait une catégorie sociale entre guillemets qui était plus identifiable? Pour moi, c'était très varié. Hein. Très varié. Le Palace était. Ce qu'on voit des images du Palace, ce sont plutôt des bals masqués. Mais on ne voit que ces fêtes-là. Hein. Donc, c'était des bals masqués avec des gens, effectivement, plutôt riches. Plutôt... Mais il y avait aussi les autres, quoi. Il y avait aussi les punks et tout ça. Donc, c'était très mélangé. Beaucoup plus mélangé qu'à New York, je dois dire. Ça a toujours été mélangé, mais par contre, ils étaient moins nombreux, on peut dire au total. Ouais. Nettement moins nombreux qu'aujourd'hui. Hein. Ouais, ça représentait vraiment une toute petite population par rapport à ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais c'était ouvert tous les soirs et c'était plein tous les soirs. Il y avait des nightclubbers à Paris, je pense. dire bon, peut-être 2000, je sais pas, mais c'était plein tous les soirs. Mais je pense qu'il y avait lundi effectivement une population de nightclubbers. Exactement. Okay. Ouais. Moins, ouais. On va y venir juste ensuite, justement, ça fait partie aussi des questions que je voulais me poser. Je vais poser une question à Fabrice Gadeau. Orex, par exemple, qui défendait pas forcément la même musique et les mêmes valeurs qu'au Palace, est-ce qu'il y avait une population plus identifiable ou finalement, là encore, c'était assez... Alors, au tout début, déjà quand la musique électronique est arrivée au Rex, le Rex avait plutôt une culture rock. Donc, c'était essentiellement des concerts, quand même. Donc, c'était plutôt, c'était des concerts rock à l'époque. Après, il y avait quelques soirées black aussi. Mais la musique électronique est arrivée petit à petit. Donc, en 88, les premières soirées, c'était les soirées jungle qui étaient organisées par des Anglais, d'ailleurs, qui venaient d'Angleterre avec presque le public anglais, puisqu'il y avait des bus qui venaient d'Angleterre pour ces soirées-là. Donc, c'était un public qui était plus anglais que français, et petit à petit les choses ont évolué à partir de 90 et surtout à partir de 92 avec notamment la fameuse soirée Wake Up de Laurent qui est là, je veux dire, lancé vraiment la culture clubbing au Rex, qui est devenue de plus en plus musique électronique et de plus en plus club. Mais avant, effectivement, c'était plutôt une salle de concert avec quelques soirées de temps en temps, et notamment le samedi, effectivement, c'était des soirées black music. Et donc vraiment la musique électronique est arrivée petit à petit dans l'établissement par petites doses et s'est imposée pour devenir en 95 en fait un club exclusivement musique électronique. D'accord. Et donc t'en parlais rapidement Eric il y a deux secondes, et effectivement c'est une des questions qu'on voulait vous poser. En termes de fréquentation, parce qu'on a du mal à se rendre compte effectivement aujourd'hui, est-ce que les clubs étaient aussi prisés ou finalement est-ce que la population de nightclubbers était aussi grosse que celle d'aujourd'hui, ou finalement il y avait plus de gens qui préféraient aller en rave party à Mosinor ou au Fort de Champigny par exemple? Je sais quoi, c'est la capacité totale des clubs hors discothèque, on va dire hors discothèque de base, à Paris dans les 90, c'est quoi, c'est 10 000 personnes? Même pas. Fin des années 90, moi je dirais il y avait 2000, 3000 places de clubs disponibles à Paris pour écouter de la musique électronique. Mais il y avait surtout un parcours. C'est-à-dire qu'il y avait chaque jour avait un petit peu son club. Je crois qu'à l'époque, hein, on peut le dire, enfin ouais, notamment à partir de 92, il y avait le privilège qui commençait donc le mardi, je crois, avec les John Thomas qui étaient résidents, je crois, à l'époque. Le mercredi, on avait les soirées au Queen. Avec respect. Voilà. Le jeudi, on avait les fameuses Wake Up Orex. Et vendredi et samedi, c'était Rave. Et là, on n'allait pas dans les clubs. C'est-à-dire, vendredi, samedi, dimanche, on avait Rave, After. Lundi, repos. Mardi, privilège. Mercredi, voilà. On avait un parcours comme ça qui était. Mais qui était, effectivement, chaque jour avait son club. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'effectivement, les gens partaient en rêve et du coup les clubs faisaient une musique qui était beaucoup plus généraliste. Le week-end, ouais. C'était très généraliste en fait. On n'allait pas en club le week-end. On pouvait pas imposer son. Oui, parce qu'ils avaient déjà un public de base pour la musique généraliste. Début 90, je suis pas tout à fait d'accord, parce que nous on a fait des soirées de respect dans plein de clubs, hein, donc ça avait déjà beaucoup démarré. Mais il y avait une vraie rivalité, les gens des rêves détestaient les clubs. Donc c'était vraiment, c'est de la musique de club, c'était vraiment quelque chose de très négatif, quoi. Alors même que les clubbers qui allaient par exemple au privilège le mardi et au wake up le jeudi pouvaient eux en revanche aller en rave. Oui, mais il y avait cette histoire de dire c'est de la musique de club, donc même pas la peine, tu vois. Non, c'était un peu étrange, mais bon après c'est. Et il n'y avait pas vraiment de concurrence entre les raves et les clubs finalement, ça se marchait pas dessus quoi, pas du tout. Non, absolument pas. En province ça avait plus été le cas, je pense. Et on se posait aussi la question au niveau des griefs qu'on entend couramment sur l'entrée sélective, les prix excessifs, les équipes de sécurité agressives parfois dans les clubs, est-ce que ça existait déjà dans les années 90 ces questions-là? Les sécurités agressives, non. La sélection, oui, c'était un jeu qui a perduré un peu les années 80, mais c'était assez drôle. D'ailleurs, il fallait juste prêter au jeu. C'est comme maintenant au Bergame, tu rentres pas un vendredi, tu rentres un lendemain, ou si tu rentres pas, c'est pas grave. Mais il y avait vraiment ce choix tout à fait déterminé de choisir avec un pointant du doigt. C'est quelque chose de différent. Mais c'est les one night parties qui ont amené ça, puisqu'on a besoin de guest list avant d'être pas de guest list. On sortait tous les soirs, donc c'est les mêmes gens tous les soirs. Donc après, il y a eu des guest lists, ça c'est qui n'existait pas du tout avant. Hein. Puis des physios aussi. Oui, voilà. Les physios avaient l'habitude d'être là tous les soirs comme nous, donc il n'y a pas de problème pour rentrer, on pouvait se faire refuser de manière très violente aussi, mais avec de l'humour quand même. Mais ça posait pas de problème en fait. Non, il y a Paquita ou je sais pas, Farina était très méchante, Jenny Belair que je vois tout à l'heure était pas mal non plus, mais il y avait toujours quand même de l'humour, il y avait un décalage et un détachement. Maintenant c'est très violent, je trouve ça très violent maintenant, quoi, parce qu'il n'y a pas de physio. Ouais, le problème c'est qu'il y a plus de physio. Moins de physio et plus de sécu qui joue le rôle de physio. Enfin, il y a pas mal d'endroits comme ça. C'est très violent. Ce qui a toujours été une erreur stratégique énorme. Total. Énorme. Total. Vous abordiez le sujet tous les trois un peu, au tout début de cette interview. Le club, est-ce que c'était déjà un vecteur artistique aussi fort qu'aujourd'hui? Est-ce que les programmations étaient aussi qualitatives? Ou est-ce qu'il était plus question d'atmosphère et d'ambiance finalement? Je pourrais pas dire que c'était pas qualitatif. Au contraire, on créait quelque chose de très particulier pendant 7 heures. On pouvait installer des morceaux d'un album qui n'était pas le single. On avait des promos tout le temps. Donc au contraire, on faisait un voyage. C'est un petit peu prétentieux peut-être, mais en tout cas, on installait quelque chose de très précis. Au Bandouge, en 87, on passait du funk très lent à 80 BPM en plein milieu de soirée, ce qui était impensable quelques années après, avec l'arrivée de la house. Donc non, on installait ce qu'on voulait en fait. Les gens venaient expressément pour ça, quoi. D'accord. Pour l'ambiance générale, encore une fois. Mais ça participait, bien évidemment. Et quand est-ce que c'est arrivé alors cette espèce de fascination autour du line-up, etc. Le Rex, ça fait partie d'ailleurs des premiers clubs à faire vraiment venir des artistes, les Derrick May, les Jeff Mills, etc. C'est vraiment Laurent qui a tout ramené en France pratiquement avec les soirées wake-up. Toute la scène américaine est arrivée effectivement avec Laurent Garnier et les soirées wake-up, où effectivement chaque semaine il nous programmait une nouvelle tête d'affiche qui arrive en France et qui jouait souvent pour la première fois en France. Donc effectivement il y avait cette envie d'écouter ces producteurs qu'on avait tous entendus via les disques, mais qu'on connaissait pas en tant que DJ. Et Laurent a vraiment effectivement ramené toute cette scène américaine à Paris, toute cette scène anglaise aussi, hein, puisqu'avant à la Hacienda, il avait quand même déjà rencontré une grande partie de la scène anglaise, et il a effectivement lancé ces plateaux qui étaient des fois fantastiques, où on pouvait avoir, après, dans les années 94-95, sur le même plateau, hein, Carl Cox, Jeff Mills, Laurent Garnier, chose qu'on verrait difficilement aujourd'hui dans un club, malheureusement. Il y avait déjà cet engouement autour du plateau, du line-up, Je crois que la scène électronique s'est intéressée aux artistes de par les productions et de par leurs sets. Et effectivement, oui, les gens se déplaçaient quand même assez rapidement pour des artistes. Et au départ, c'était beaucoup la scène française. D'ailleurs, il y avait toute une scène française effectivement existante et qu'on connaissait parce qu'on voyait plus régulièrement. Mais bien évidemment, à chaque fois qu'il y avait un artiste étranger qui était invité, on l'avait souvent découvert avant et on rêvait de le voir mixer. Et donc, quand il arrivait à Paris, c'était l'engouement pour aller le voir mixer. Ça ne se posait pas quelques années auparavant. Non. Nous-mêmes, on n'aurait pas pensé à faire venir Mancuso de New York pour jouer au Bandouche, je ne vois pas là, ça ne même pas l'esprit. On n'invitait personne, on était chacun dans le truc, et voilà. Ouais. C'est vraiment arrivé quelques années après, ça. C'est aussi le fait que le grand public a commencé à écouter les morceaux des gens et connaissent les productions. Et on a commencé à avoir des radios aussi, on a commencé à avoir Radio FG, on a commencé à avoir des radios. Bon, il y avait Maximum avant, quand même, qui était la première radio. Et qui nous ont fait découvrir effectivement tous ces artistes, et donc on avait effectivement l'envie de les découvrir encore plus. Et donc quand ils arrivaient à Paris, ouais, c'est sûr qu'on se battait pour rentrer dans les clubs, quoi. Enfin, on se battait, j'exagère. Bon, malheureusement, on arrivait tôt. Le temps nous est compté, on va être obligé de clôturer cette première partie avec une dernière question. Est-ce que vous, du coup, pour reprendre un peu tout ce que vous disiez, on peut considérer qu'il y a eu à Paris une vraie club culture comme celle qu'on avait par exemple pu voir à New York? Enfin, sans forcément comparer Paris à New York, mais... Pas eu un plein de Paris dans les 90, il y avait des possibilités incroyables, on sortait tout le temps, il y avait des clubs, moi j'ai été dans des parkings, enfin il y avait des choses interdites, on parlait de pas de cash, mais c'était pas le seul, on allait dans des trucs totalement improbables, et puis les clubs, effectivement il n'y avait pas encore ce côté négatif autour de la house, donc les gens se sont laissés un peu avoir, on va dire. Ils acceptaient des soirées dans leur club, et quand ils ont vu la clientèle, après ça n'a pas duré très longtemps. Mais donc il y a eu quelques années bénies comme ça, où on pouvait aller à peu près n'importe où, organiser une soirée, on ne disait rien, et puis c'était très bien. Mais on a découvert plein de clubs comme ça, le Body Rock, en fait, il y en avait plein, je ne sais plus, j'ai même plus les citer tellement il y en avait, mais il n'y a pas de... On pouvait sortir tous les soirs sans aucun problème. D'accord. Bon, on va clôturer cette première partie avec une petite rubrique que Léo a préparée, je te laisse. Alors du coup, Fabrice, Eric et Patrick, vous allez ouvrir la première page de notre dictionnaire. C'est un exercice lexical, mais surtout musical. Vous êtes donc un dictionnaire spécialisé. À vous de définir les mots suivants. Eric, du coup, le mot fête. Ça peut être en un mot, en une petite phrase. C'est un temps et un lieu suspendu dans lequel on va noyer les codes sociaux dans la musique et les substances. Parfait. Fabrice, le mot danse. Danse. Eh bien, je crois que c'est la continuité de la musique. C'est l'expression corporelle sur la musique. Parfait. Et Patrick, le mot balle, hein, comme vous parlez tout à l'heure de balle masquée, ça tombe pas à pic. Merci d'avoir choisi le plus vieux pour parler de balle, sympa. Bah, le balle, c'est exactement l'incarnation de tout ce que je hais. Donc c'est un peu difficile. C'est la danse à deux, c'est ouais, c'est à peu près tout ça, c'est tout ce qu'on a voulu faire. Si je peux me permettre, il y a aussi le bal, la définition de Borough. Ah, voilà, c'est tout à fait différent. C'était dans cette mesure. Borough, voilà, d'accord. C'était de Borough, voilà. Le bal populaire, c'est aussi après l'horreur. Ça demande d'avoir beaucoup de recul. Non, c'est bien définition, c'est l'horreur. The ball, ça c'est bon, c'est autre chose. C'est effectivement une incarnation de danseurs incroyablement talentueux et passionnés, et d'un DJ, et tout ça fait qu'on arrive à des choses extraordinaires à New York. De bon, d'accord, ça c'est différent. Sinon, le voguing dans un bal populaire, je vois pas trop. Merci pour ces éclairages. On ajoute donc vos définitions à notre dictionnaire. Et du coup, petite pause en musique avant de passer à la seconde partie de cette émission, avec notre sortie du jour qui est signée Cyclade, avec un nouvel EP intitulé Don't Know Ça. Et voici le titre Grand Amour, tout de suite sur Make It Deep. Thank you. entamer cette seconde partie sur les spécificités, les attributs de la club culture 90s, avec une question d'abord d'ordre général. Comment est-ce que chacun vous décrirait rapidement l'esprit général qui régnait dans les clubs en ce début des années 90? C'est difficile à décrire. Je sais pas, moi je dis une certaine liberté parce que c'était un format nouveau, encore une fois. On avait fini l'époque disco, on avait découvert une nouvelle musique, des nouveaux endroits, une nouvelle forme d'expression dans ces endroits-là qui étaient les rêves. Et après, on a essayé de... Peut-être les codes des rêves sont partis un peu dans les clubs, ce qui est plutôt pas mal, mais il y avait une vraie découverte, une vraie liberté en tout cas. Il n'y avait pas beaucoup de contraintes, ce qui était très bien dans les clubs, ce qui n'est pas du tout le cas maintenant. Je me souviens plutôt de ça, moi, c'est plus ça qui me parle. Il y avait un énorme mélange à l'époque surtout. Mmh. Un mélange de gens et même un mélange de musique qu'on n'aura plus maintenant, quoi. Au tout début, effectivement, on pouvait écouter de la house et de la techno, par exemple, dans la même soirée, sans que ça pose de problème. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça a été très difficile dans les années 94. Je trouve avant, c'était le cas. On allait dans une rave, on écoutait un DJ italien avec du piano à pied, on écoutait Frankie Knuckles, on écoutait un truc vraiment de techno absolument pur et dur. Et après, c'est devenu très très difficile de mélanger. Hein. Ah oui. On ne pouvait plus ouvrir les programmations. Ça, moi, j'ai beaucoup souffert de ça à l'époque, dans les milieux 90, où on était obligé vraiment d'aller. Oui. Le BPM était roi et on ne pouvait rien faire d'autre. On ne pouvait pas ni ralentir, on ne pouvait rien, strictement rien faire. Les Anglais n'étaient pas comme ça, mais en France, c'était difficile. Considérez-vous, peut-être au même titre que les raves, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait une dimension politique dans l'expression que vous aviez en club, ou alors est-ce que justement c'était tout le contraire et c'était fuir ça? En fait, il y avait un truc important qui a été vrai pendant toutes les années 90, c'est une revendication du droit à exister pour ces musiques et ces événements. Sans qu'on ait besoin de faire d'autres revendications en dehors de ça, c'était juste le droit à l'existence. Ouais. Quoi. C'est vrai qu'on était effectivement des résistants à l'époque. Oui. On se battait pour défendre l'indéfendable, parce qu'on était attaqué de part et d'autre. mais on s'est bien battu, la preuve. Oui, parce que je sais que moi, à l'époque, on n'avait pas le droit de passer de la house. Au Madou, je disais, vous ne passez pas de house. Il y a une soirée le mercredi, mais le reste du temps, c'est interdit. Donc on le faisait quand même, mais si tu veux, il y avait vraiment une pression sur cette musique-là qui était assez étonnante. Quoi. Et d'où venait cette image négative autour de la house à musique. Cause de l'extasy et tout ça, quoi. Ouais, d'amener une clientèle qui n'était pas convenable. Okay. Qui n'était pas convenable et pas très rentable, parce que faire d'extasy et boire de l'eau, ça n'a jamais été très bon pour un patron de club. Pour business, ouais, c'était pas bon, après, très rentable pour les clubs. Bon, la transgression... Ils vendaient plus de bouteilles, sauf des bouteilles d'eau, c'était compliqué. La transgression, dès lors qu'on paye une entrée, qu'on paye des verres, je suis un peu limité à ce niveau-là. Quoi. Donc, voilà. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont censées être transgressives dans des lieux qui ne le sont pas. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a eu un éphémère pendant un an, et ça m'a beaucoup énervé. On lit souvent des témoignages d'anciens acteurs de cette scène qui se lamentent de la disparition d'un certain esprit de la fête, et notamment de la disparition de la danse sur les dance floors. Quelle importance revêtait-elle alors dans les clubs? Alors, le premier truc, c'est qu'il faut se méfier des vieux cons qui disent que c'était mieux avant. Ça, c'est la première chose. Mais... sur ce sujet, on est trois vieux cons ici. Il y a deux vieux cons là. Je sais pas si la danse... Oui, peut-être qu'il y avait des meilleurs danseurs, peut-être que la danse était plus centrale sur les danseurs. Non, je pense qu'à l'époque, surtout, on dansait. Là, maintenant, effectivement, il y a un peu ce côté concert. C'est-à-dire que maintenant, les gens regardent le DJ et dansent tous face au DJ, ce qui est très agaçant. Et effectivement, à l'époque, on dansait, on tournait, on virevoltait. Il y avait beaucoup plus de générosité dans la danse qu'il y a maintenant. Je trouve qu'avant, il y avait... La danse, elle était collective, elle n'était pas individuelle. On dansait un peu tous ensemble. Là, maintenant, on danse face à un DJ. Avec les bras en l'air, certes, on siffle et tout, on tape dans les mains, mais on regarde le DJ en permanence. Avant, on se regardait les uns les autres, il y avait un échange, c'était une danse collective. Maintenant, c'est beaucoup plus individualiste, je pense. C'était une communion avec la musique, c'est ça, sans voir le DJ, alors que maintenant, c'est les codes du rock qui sont descendus dans les clubs. Et moi, je trouve ça épouvantable, personnellement, d'avoir des mecs en face avec des lunettes noires et qui dansent pas, quoi. C'est ces superstars DJ qui ont amené ce truc-là. Ouais, mais justement, exactement, du coup, il y a une question qui est tout de suite liée, c'est la fonction. L'importance du DJ, elle était donc toute différente à l'époque. Est-ce qu'il se supprimait un peu au bénéfice du public? Ah oui, j'ai jamais vu un DJ sur scène à l'époque, que ce soit dans les grands clubs. Tu travailles en gros, quoi, ce qui n'est pas péjoratif du tout. Hein. Tu travailles, tu as un œil sur les gens. Il y avait souvent des petites cabines où on voyait que leur tête. Hein, ouais. C'est-à-dire que le DJ n'apparaissait même pas aux yeux du public. Quoi. Palace, il était un peu plus vu à Paris. Au Bain, on était planqués. On mettait la tête comme ça pour les gens. Ça n'empêchait pas d'avoir un vrai partage avec eux. En tout cas, eux étaient concentrés sur eux-mêmes. Moi, souvent, je dis aux gens, mais fais-moi plaisir, va danser, ne me regarde pas, quoi. Va danser avec tes potes, et cette énergie-là, elle va revenir vers moi, forcément. Mais face comme ça, c'est très très très pesant encore. Hein. Très pesant. C'est pas agréable de voir les gens, leur expression parfois. C'est pas... Ils sont pas tous beaux, ils sont pas tous en bon état. En fait, tu vois, c'est pas. Là, par moment, à un moment, faut arrêter. Tu vois, j'ai tout. Mais en fait, c'est le regarder. Tu vois, c'est. Il n'y avait pas cette fascination du DJ en tant que. Ah, puis il y avait même un rock. Il y avait même. Oh, oui, là, du côté des rêves, vraiment une revendication anti-rock système qui était anti-star. C'est ça le pire pour moi. C'était vraiment tout l'anonymat, autour, enfin, le fait qu'ils aient que des pseudos, ouais, etc. Enfin, il y avait un truc comme ça. De... On a passé du temps à casser quelque chose. On a cassé le star system, on a cassé l'album, on fait des maxis, on ne savait pas qui. Quel maxi on a acheté, on connaissait pas le nom de l'artiste, on écoutait juste le track, on fait tout ça, on diffuse ça comme on a fait avec le punk, pour se retrouver avec ces vieux formats de merde du rock'n'roll avec des superstars, c'est épouvantable. Pour moi, c'est épouvantable. Moi, j'ai fait ça avec le punk pour me débarrasser de Phil Collins, et on se retrouve avec des mecs de house qui semblent Phil Collins, moi j'en peux plus, tu vois. Normalement, c'est juste. Les formats reviennent malheureusement, mais c'est épouvantable, je trouve. Bon, vraiment. Tu parles d'ailleurs du fait que vous connaissez pas les maxis, enfin que les gens sur la scène. Olivier Pellerin, dans une étude qui avait été proposée par SSM l'année dernière au Mama, disait que jamais dans les années 90 on avait connu une telle volonté d'identifier l'intégralité des titres joués lors d'un DJ set comme aujourd'hui. Et ça vous fait quoi, vous, aujourd'hui, de savoir que les gens sont toujours là à chasamer, à vouloir connaître le track? Mais c'est important, mais à l'époque, on achetait surtout un label. C'était pareil à l'époque disco. Les gens achetaient le nouveau Casablanca Records. Ils s'en foutaient de savoir si c'était de la Sommer machin. Après, moi, j'achetais New Groove ou Street Club Wisdom. Ça a bouleversé ma vie. J'achetais Street Club Wisdom. Je m'en foutais de savoir qui c'était. Après, évidemment, mais c'était d'abord le label. Mais les gens venaient demander au DJ, essayaient de demander au DJ. Oui, bien sûr. Il y a certains DJ qui cachaient leur disque en même temps. Après, ça arrivait. C'était plus compliqué parce que de toute façon, les gens pouvaient. Enfin, ça sortait qu'en vinyle. Donc, de toute façon, Shazam, aujourd'hui, ça a un sens parce que tu vas le trouver en fichier. Shazamé il y a 30 ans, bah t'étais bien content avec ton titre dans ton téléphone. Mais j'ai pas de téléphone. J'avais pas de téléphone. Mais il y avait cette phase de protection avec le disque que tu passais. Moi je connais DJ, ils mettaient un sticker pour pas qu'on voit le titre. Ouais. Mais c'est du partage, la musique. Ça se planque pas, enfin, un morceau. Plus il va être diffusé, mieux c'est pour l'artiste. Je comprenais pas cette démarche, mais ça existait quelquefois aussi. Bon, ceci dit, c'est toujours aussi plaisant de planter Shazam aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Un grand plaisir. Ah, tu le trouves pas? Je voulais aussi rebondir sur, effectivement, cette club culture est souvent liée aux communautés LGBT. Est-ce que la relation entre les deux était aussi marquante que ça en France, comme on avait pu le voir par exemple à New York, où finalement c'était... Oui, ouais, clairement. Bien sûr. Ça s'est tassé, mais clairement, oui, c'était... On a commencé dans les clubs gays à écouter la house très très très tôt, hein, beaucoup, beaucoup plus tôt que les autres clubs. Moi, je pense que c'est le mouvement gay qui a amené effectivement cette musique en France au tout début, hein, bien évidemment. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ça s'est cassé la gueule à la fin des années 90, début 2000. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de club gay? Pourquoi il n'y a plus... Ah ben ça, c'est la question, il n'y a jamais eu un club gay. À part avec ABP, il n'y avait quasiment plus... Oui, mais c'était une fois par mois. Il n'y a pas de club gay ouvert tous les soirs à Paris, digne de ce nom, on va dire quoi. Il y a beaucoup de formes, c'est très étrange, il y a un côté, il y a une régression, il y a un côté complètement passéiste chez les gays maintenant, qui fait un petit peu peur quoi. Alors, aujourd'hui, il y a un retour des soirées LGBT, on va dire, avec moins une identité gay, mais plus un mélange de... Mais gay, il y en a toujours, il y a la Ménergy, il y a nous avec la BLT, il y a la Madame Claude aussi, mais c'est quand même très mélangé. C'est très mélangé, c'est reparti plutôt récemment. En fait, il y a eu un gros creux. Il y a eu le Queen qui était un club gay au départ, qui était un gros club qui a légèrement changé après de. Donc au début, c'était vraiment une culture gay. D'accord. Bah les Queen, quand Tenaglia est venu au CDG, c'était un magazine, un gratuit gay qui s'appelait, je sais plus comment d'ailleurs, et c'est eux qui faisaient bien avant les respects. Il y avait vraiment des magazines importants, des gratuits, il y avait ces tribus d'ailleurs, ça fait comme ça. Et c'était très intéressant d'ailleurs. Mais le Queen était clairement un club gay, bien sûr. Il y a eu le Boy aussi. Le Boy. Et donc pas d'explication sur effectivement la chute de... Je sais pas à quoi c'est dû vraiment. Il y a toujours eu des soirées gays, il y en a toujours, mais la qualité de la musique a beaucoup baissé. Ouais. Beaucoup, beaucoup baissé. Hélas. Les années 90, elles marquent également la démocratisation des drogues de synthèse avec le grand boom de l'ecstasy. Est-ce que c'était aussi spectaculaire en France qu'en Angleterre? Et comment les autorités ont géré ça? Est-ce que les clubs exerçaient déjà une politique répressive ou est-ce que c'était implicitement toléré? Par exemple, Fabrice Gado, Orex. Bon bah, j'ai dit au début, de toute manière, je crois que les clubs ne se rendaient pas compte forcément. Ils s'en sont rapidement rendus compte, mais oui, je pense que tout le monde consommait à l'époque, oui. Oui, je crois que la première génération qui est sortie et qui a écouté cette musique, il y avait 99% de consommateurs d'ecstasy. Il ne faut pas se voiler la face, hein, je pense. C'est une musique qui a été totalement liée à l'ecstasy au tout début. Et puis petit à petit, effectivement, la police s'en est rendue compte, la répression est arrivée et les problèmes aussi. Voilà, donc les fermetures, les interdictions, et puis, là, puis une grosse répression qui est arrivée dans les années 94-95, où là, on a, je pense que la police et les politiques ont vraiment essayé de complètement stopper ce mouvement et de l'interdire complètement. On a eu vraiment des tentatives d'interdiction totale des raves parties en France en 95-96. Et les clubs en ont souffert également, du coup. Les clubs avaient peur de plus en plus, c'était de plus en plus difficile de faire des soirées dans les clubs, excepté effectivement le Rex et le Gibus à l'époque qui se sont préservés et qui ont su, j'allais dire, faire le ménage aussi, parce qu'il fallait effectivement, oui, que les clubs soient propres quand même, parce qu'un club reste ouvert tous les soirs et, j'allais dire, une politique de laxisme dans un club entraîne une fermeture directe. Il fallait que ça soit discret, quoi. Oui, il fallait que ce soit discret. La sécurité a vite compris comment ça fonctionnait. Et effectivement, les sécurités sont devenues de plus en plus restrictives et de plus en plus dures. Mais c'était normal, c'était pour protéger l'intégrité de l'établissement. Et vous pensez que, ces répressions, elles ont nui à la fertilité culturelle du mouvement ? Je suis pas sûr. Ouais, moi, je dirais peut-être qu'elles l'ont au contraire boosté. Exacerbé, ouais. Ouais, je pense qu'au contraire, ça nous donnait une volonté encore plus d'exister. On était encore plus résistants et on devait continuer à exister, quelle que soit la répression. Donc on s'est battu. On a eu du mal. Hein. Il y en a qui ont laissé leur chemise. Hein. J'en fais partie, mais c'est vrai qu'on a galéré, quoi. Mais non, je pense qu'au contraire, ça nous a donné peut-être une dynamique supplémentaire et une volonté encore plus grande de continuer et d'exister. Au niveau des acteurs et au niveau du public aussi, est-ce que le public a continué à se battre comme l'ont fait les acteurs ou... Enfin, moi j'ai quand même l'impression que la manière dont on a fracassé le mouvement des raves à un moment a fait perdre une grosse énergie à cette scène qui était née dans ces endroits-là. Après il y a eu un retour vers les clubs. La fin des raves a été compensée par l'arrivée des free parties. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, il y a eu vraiment justement, l'interdiction était tellement forte que la rêve, entre guillemets, légale, si on peut appeler ça une rêve légale, mais c'était des rêves qui... Je pense que les rêves étaient quand même organisés dans une certaine forme de légalité. On était quand même dans des salles, on demandait des autorisations, on avait une sécurité, on avait un prix d'entrée, on n'était pas dans une zone de non-droit quand même. On était quand même malgré tout dans une zone, on va dire, semi-commerciale. Mais il y avait quand même une notion déjà de commerce. On vendait des places, on avait des bars payants, etc. Quand la free party est arrivée, c'est parce qu'on ne pouvait plus organiser ce type d'événement, que plus aucune salle ne nous acceptait, qu'on n'obtenait plus les autorisations administratives, qu'effectivement, à ce moment-là, est arrivée la scène anglaise avec les Spiral Tribes, notamment en France, qui ont lancé effectivement ce mouvement de free party, qui était un peu la continuité des raves, mais dans un esprit encore plus libertaire, encore plus décadent, quoi. Effectivement, là, il y avait souvent plus d'entrées payantes, c'était souvent des squats, c'était plus des salles légales, c'était dans des champs, c'était dans des bois. Et donc, on est obligé de se cacher, quoi. Et donc, il y a eu cette nouvelle scène qui est arrivée. Et effectivement, l'autre partie de la scène plus légale, c'est peut-être retranchée dans les clubs. En allant effectivement, en continuant de faire vivre ce mouvement au sein des établissements qui nous acceptaient. Et il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Non, c'est vrai. Écoutez, on va clôturer cette seconde partie avec une nouvelle petite rubrique, un quiz. Encore une. du coup, oui, petit quiz pour clôturer cette partie. Donc vous pouvez répondre tous ensemble, il n'y a pas de. Et du coup, la première question c'est qui est Philippe Fatien ? Ah, le patron du Queen. Ah, le patron du Queen, voilà. Il y a des questions faciles quand même. Le patron du Boy, c'est le patron du Boy, quand même. Il est plus, d'ailleurs. Il est plus, oui. Non. Voilà, donc je resitue un peu fondateur du Queen sur les Champs-Élysées, qui possédait déjà le Boys, rue Caumartin. Et voilà. Et du coup, l'autre question qui va être aussi facile, qui était DJ Pedro en 87. Je crois qu'elle est pour toi, celle-là. Je vois pas du tout qui voulait parler. C'est pas un mec qui a joué hier soir au Rex, je crois, qui fêtait un anniversaire, je sais plus. 30 ans de carrière, peut-être. 30 ans de carrière, ouais, voilà, oui, c'était effectivement Laurent Garnier à ses débuts et qui portait ce nom-là quand il jouait à la Hacienda. Et tu le connaissais déjà à l'époque de DJ Pedro ? Non, moi j'ai rencontré en 92 ou 93 au Rex, à l'occasion des soirées Wake Up. Voilà, j'ai découvert Laurent Garnier, comme tout le monde, je crois, au Rex Club, aux soirées Wake Up. Et du coup, en 78, quelle chanteuse inaugurait le Palace? Du coup, c'était ouais, le 1er mars 78 pour l'ouverture des portes du Palace. Et du qui coup, joue, qui joue au Dimension Festival cette année d'ailleurs en, en tête d'affiche. C'est vrai. On avait une question aussi un peu qui met jamais personne d'accord, mais c'est pour vous, c'est quoi la French Touch? Genre, comment vous définissez? En tout cas, je n'en faisais pas partie, c'est ce que je peux dire. Même de votre point de vue extérieur. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir ce que la French Touch représente pour vous. Est-ce que finalement, c'est, ça allait justement à l'encontre de tout ce que vous aviez pu vivre? Ça a quand même installé les artistes français. Ça a aussi redonné l'aide de noblesse à une musique très décriée qui s'appelait la disco, parce qu'ils l'ont samplé. Donc ça a refait repartir plein de labels. Pour avant, pour l'époque, le Salso, les Préludes, c'était juste de la merde pour les gens. Et eux ont réussi à faire ça. Remettre des classiques qui n'étaient pas forcément sur des pistes de danse faciles avant. À New York, c'est pas du tout pareil, mais ici, ça a installé beaucoup de gens quand même. Moi, j'en faisais pas partie parce que bon, c'était pas mon trip, mais je les connaissais tous. Ça a pas été une avancée musicale majeure. Pas du tout. D'un point de vue musical. Oui, d'un point de vue musical. Mais c'était assez chouette comme énergie aussi. Enfin, à Paris, c'était assez sympa. Mais je pense que ça a beaucoup été la scène française, par contre. Effectivement, ça a été vraiment un moyen pour, pour la France, qui est quand même pas un pays qui a exporté beaucoup de musique avant la French Touch. Ouais. C'est vrai que la French Touch a permis de faire découvrir la scène française partout dans le monde. Quoi. Donc on peut quand même remercier la French Touch pour ça, de nous avoir ouvert les portes du monde entier. Ce sont les Anglais qui se sont intéressés, ce ne sont pas les Français qui l'ont créé. Les Anglais ont appelé ça French Touch et ont commencé à découvrir ça de français. Puis sinon, on se reste entre nous, hein, je pense. Hein. Est-ce que vous pensez justement que le succès commercial qu'a pu avoir la French Touch, ça a aidé d'une certaine manière à dégeler le débat entre les autorités, le cadre institutionnel, c'est institutionnel que, et la scène? Oui, je pense que, comme le commerce s'y est intéressé, il y a un moment où l'économie, c'est toujours un bon vecteur pour toucher le politique, si tu veux. Et donc, l'homme, comme ça devenait un truc qui faisait vendre du disque français à l'étranger et rayonner la France, ouais, tout d'un coup, ça devenait un peu plus crédible. Que non, de ce côté-là, je trouve que c'était bien, parce qu'on n'a jamais eu de format, nous, avec le rock, qui a pu s'exporter, si tu veux, du fait des paroles et tout ça. Donc la musique électronique française, effectivement, avec ce côté un tout petit peu plus facile, a permis effectivement l'explosion plein d'artistes, qui est tout à fait positif. Ah, parce que nous, en fait, avec la musique française, on est passé quasiment de Mireille Mathieu à Daft Punk. Oui, bah merci pour ce qu'on a fait entre nous, hein, t'es gentil. Je veux dire à l'étranger, à l'étranger, les garçons entre les deux, quoi. Oui, tu n'as rien d'autre, c'est ça. Non, je voulais dire à l'étranger, dans l'export, en fait. Et du coup, petite dernière question, facile aussi, mais c'est pour plus d'avoir des anecdotes, pardon. Quel club mythique du 3e arrondissement fermait ses portes en 2010 pour devenir un hôtel? Ah, les bas? Ouais. Mais c'est de nouveau un club? Oui, après je précisais qu'il y avait toujours une partie club en fait, qui est restée finalement après. J'y suis samedi d'ailleurs, je fais une nouvelle soirée là-bas. J'ai vu ça. Non, le club, effectivement, ça n'était qu'un club d'hôtel juste maintenant, tu vois. Ils ne voulaient pas donner, je pense, une identité trop club. Justement, maintenant, ils recommencent à faire des petites choses. Ouais. Ouais. Ça a été important, les bains, justement, dans le début de la club. Oui, bien sûr. Mais pas comme on peut l'imaginer. Hein. Moi, les bains 2000 avec les mannequins et les top modèles, c'est pas ça du tout, moi, les bains. Oui, bien sûr. Ça a été un club new wave, ça a été un club extrêmement ouvert, malgré les difficultés d'y entrer. Une fois qu'on était à l'intérieur, il y avait vraiment une clientèle absolument incroyable. Et sinon, ça a été un club très important, bien sûr. D'accord. C'est un format différent aussi. On a arrêté avec le club 6e, je ne sais pas ça péjorativement, tu vois, mais le club où tu viens boire un verre pour draguer, prendre une bouteille de champagne, c'était pas ça. Hein. Il y avait 3 transats, une piscine, et c'est tout. Hein. Donc, tu vois, c'était vraiment bien. C'était mieux avant. Merci pour vos réponses. Du coup, nous allons clôturer cette deuxième partie en musique avec le vinyle du pauvre, sélectionné par notre digger Julien et extrait de son home digging mensuel. Voici donc Heaven de The Rurals, sorti en 2002 sur le label Quiet Riot et disponible sur Discogs à 1,70€. Heaven, c'est tout de suite sur Make It Deep. C'était donc Even de The Rural, sorti sur Quiet Riot en 2002, et on va entamer cette troisième partie que nous avons intitulée Nostalgie, avec une première question. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette période? En fait. Je suis un outil nostalgique, j'ai toujours pensé que ça serait mieux demain. En fait. Non, moi je trouve que c'est pas un moteur du tout la nostalgie quoi. Bon, moi j'aurais tendance des fois un petit peu. Il en faut bien, hein, voilà. Moi les rêves quand même, j'aimais beaucoup les rêves quoi. Donc ça me manque un petit peu. Toujours. Mais il y a aussi aujourd'hui des gens qui réinventent des formats qui s'approchent vachement des rêves, tu vois ce que je veux dire. Il y a collectifs qui font des trucs en banlieue dans des endroits plus ou moins légaux, avec plus de déguisements. Enfin, il y a des choses qui renaissent. Déguisé à notre âge, cher ami, mais enfin vous n'y pensez pas. Je dis pas. Le 31 octobre, ouais, voilà. Halloween, on fait un effort quand même. Non, il y a des choses qui renaissent aujourd'hui qui me semblent assez proches de l'énergie des rêves. Oui, mais le renouveau ne peut ne pas entraîner de problème face à la nostalgie. J'allais dire, la nostalgie est une chose, le renouveau en est une autre. Moi, oui, je veux dire, allez, parce qu'il en faut, hein, je suis un petit peu nostalgique. D'accord. Est-ce que vous avez un souvenir des meilleures soirées en club que vous ayez passé à cette époque? Oui. Il y en a plein. Le premier gros flash sur la musique électronique, on peut le dire. Moi c'est avec Garnier au Rec, donc c'est pas compliqué, tu vois. Première wake up que tu prends quand t'as jamais écouté de musique électronique ou quasiment pas, et que tu sais pas ce que c'est. Enfin, t'en as entendu plus ou moins, t'étais contre parce que moi j'étais musicien, j'étais jazzman à l'époque, donc vraiment la musique électronique c'était une espèce de fausse musique. Et tout d'un coup tu te retrouves au milieu du club sans produit, je le précise, et là tu te prends une énorme baffe et tu passes 4 heures les gens. Oui, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens et une déclic avec l'ecstasy effectivement. Ouais, bien sûr. Non, moi c'était Danny Naglia ou Queen pour une soirée respect, je m'en souviens toujours encore de ce set merveilleux. Oui, il y en a eu plein. Vraiment, je sais pas, en choisir une ce serait. Tromper les autres. Ouais, exactement, voilà. Donc je vais rester sur. Mais c'est vrai que bien évidemment, les soirées Wake Up, ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y avait cette découverte systématique de nouveaux artistes qui faisait qu'on était souvent enchantés le jeudi soir par la sélection musicale de Laurent et de ses invités, quoi. D'accord. Lorsqu'on regarde un vieux flyer dans la line-up d'une soirée locale dans les années 90, on connaît rarement tous les DJ. Qui étaient pour vous les meilleurs DJ du circuit club francilien que l'on connaît, les gloires passées? Ah, moi j'ai. Alors dans les années 92-94, je dirais Stefanovic quand même, qui était vraiment fantastique, qui avait vraiment un groove exceptionnel, une qualité de mix et une sélection de disques exceptionnelle, qui a arrêté beaucoup trop tôt, mais qui était vraiment un très très bon DJ. Moi, j'ai pas cette notion là, moi j'ai vraiment des notions de moment plutôt, tu vois. Je trouve qu'un DJ a ses moments et on a tous nos moments, et j'ai pas de DJ préféré. Je trouve que c'est un moment particulier avec les gens et c'est un partage tellement intense que je peux avoir un DJ préféré certes, mais c'est surtout cette soirée là avec. Moi j'ai eu un truc un peu particulier avec Jules, parce que je crois que c'est un des premiers DJ CD mixés que j'ai acheté. La Jules Box, ça devait être vraiment fin 97 par là, un truc comme ça. Et voilà, je l'ai écouté énormément. Mais je suis content parce que je vais rejouer avec lui bientôt. Ouais, mais il y avait André Mandel aussi pour les premières soirées garage en 91. Il y avait, je sais pas, La Tortue et le Castor. Il y a pas mal, ouais, c'est vrai. Aquarium, enfin, il y avait plein de trucs à l'époque. Ouais. Miss Marilyn, qui était là. Il y a plein de gens qui ont disparu, en fait, qu'on ne voit plus. Hein, oui, c'est ça. Est-ce que vous estimez qu'au même titre que la house music qui est intimement liée, il y a eu un passage à vide pour la club culture à la fin des années 90, début des années 2000? Moi je dirais pas fin 90, début 2000, je dirais mi-2000 en fait. Mi-2000? Ouais, entre 2004 et 2010, je dirais que là il y a eu vraiment un creux. C'est le moment aussi, la house et la techno ont été considérées comme ringardes par beaucoup de gens. C'était un peu c'était la fin de la première phase. Je dirais. Et puis il y a une musique qui est devenue assez dominante dans ces courants-là, qui était grosso modo la turbine à la headbanger. c'est une espèce de guéguerre comme ça qui a fait que l'énergie du clubbing à Paris était plus. On a gardé pas mal de. Bah, nous, on avait fait la on a toujours eu des. Il y a toujours eu des endroits, des îlots où c'était chouette, ouais. Tu vois. Et au Rex, c'était un des temples où on se retrouvait entre nous, mais il y avait plus du tout cette énergie qu'on a retrouvée au début des années 2010, pardon. L'énergie qu'on a retrouvée là depuis 5-6 ans, et sans comparaison avec ce qui se passait à ce moment-là. Fabrice Gadeau, peut-être l'expérience du Rex Club, il y a déjà eu un passage à vide au Rex? Il y a régulièrement des passages à vide au Rex. Sur une durée de 30 ans, on ne peut pas être toujours au sommet et toujours les meilleurs. Donc il y a des baisses de régime forcément dans tous les établissements de nuit, surtout sur une période aussi longue. Globalement, on arrive à toujours être, j'allais dire, pas trop mal, quoi, mais bien sûr qu'il y a eu des baisses de régime. Ouais. Oui, il y a eu des périodes qui sont en général assez courtes, hein, qui durent quelques mois, le temps voilà, que les choses repartent, ou peut-être des fois on a des passages à vide quand on a une arrivée massive de nouveaux établissements sur Paris aussi, hein, ça a été le cas récemment là, et c'est vrai que on subit effectivement la nouveauté, on subit les changements, on subit les... Mais à la fin tout le monde rentre à la maison. Mais voilà, c'est-à-dire qu'effectivement ils reviennent toujours au Rex quand même, mais effectivement il y a des passages à vide, oui, c'est normal. D'accord. Si vous pouviez réouvrir un club de l'époque pour en faire profiter la nouvelle génération, lequel est-ce que vous choisiriez? C'est impossible. Non, c'est impossible parce que l'époque a tellement changé. Tu peux pas confronter. Encore une fois, tout le monde parle du palace, mais ce serait ridicule de faire un bal masqué avec des queues de pie maintenant. Tu vois, je veux dire, ce serait ringardise absolue. Tu vois, ça correspond à rien. Les bains douches, c'est un format qui peut à la rigueur remarcher, qui remarche d'ailleurs parce que c'est un entrepôt, enfin, ou un ancien truc. Mais même un petit. T'as des petites choses comme la Luna ou le Boy. Ah, moi, je refais bien le Power Station qu'on a fait pendant quelques années, justement avec Laurent en 90. C'était tellement improbable ce truc que ça se serait. Oui, ça existe aussi avec d'autres formats. Hein, donc Berlin nous a pas mal aidé à rechoper des formats et ouvrir avec les friches. Ouais, maintenant, c'est quand même un truc qui est quand même bon, pas mal. Quoi. Mais c'est difficile de se dire. Tu vois, oui. Eric? Non mais faut encore une fois, faut pas essayer de calquer ce qu'on a fait pour le plaquer aujourd'hui. Ça n'a aucun sens, quoi. D'accord. Comment est-ce que vous percevez du coup la club culture actuelle? Et qu'est-ce qu'elle devrait éventuellement récupérer des années 90 sans le calquer, mais peut-être s'en inspirer un peu? Ouais, moi je viens de dire que j'étais assez fan. Je trouve que la scène aujourd'hui, la diversité des propositions est vraiment, vraiment très chouette, quoi. On parlait du Péripat, on parlait de... Enfin, il y a quand même des formats qui sont dingues, quoi. Mais c'est la ville après Berlin en Europe qui est la plus riche, ouais, en ce moment. Tout le monde a tendance toujours à dire que Londres a bien chuté, par exemple. Complètement. C'est cassé la gueule alors que c'était une des grandes plaques, j'allais dire, du clubbing. C'est vrai que Londres a beaucoup perdu. C'est vrai qu'à part Berlin et Paris au jour d'aujourd'hui. Même New York, il n'y a plus rien. New York, ça a été arrêté par Giuliani, qui a carrément. Des trucs très bucoliques, on a des trucs dans des fermes, on a des trucs. C'est chouette, quoi. Donc vous trouvez plutôt toute cette énergie vraiment positive. Ouais, complètement. Ouais. Depuis 4-5 ans, c'est vraiment vraiment très riche, quoi. Tant mieux d'ailleurs. Il y a plein de clubs différents. Il y a du choix, il y a de la variété, de la diversité. Oui, je pense que c'est plutôt. On n'a pas à se plaindre. Hein. Donc plutôt confiant, tous les trois, pour l'avenir de. Peut-être les prix vont baisser, ce sera le truc à faire, peut-être. Ça va un petit peu cher par rapport à Ibiza, ça va. Ça reste juste un petit truc. Après, c'est un modèle économique qui est difficile. C'est vrai que c'est toujours un tout petit peu plus trop cher. Moi, je veux bien que les clubs baissent si les DJ baissent aussi. on est d'accord. Je trouve que les clubs ont très peu augmenté leurs tarifs comparativement aux tarifs des artistes. Hein. Oui. Non, mais je parlais des résidents, là. Nous pauvres Français qui montons un tarif absolument normal, si tu veux. Et que t'as un pot vert à 12 euros dans du plastique. C'est ce que je voulais dire, mais bon. Et est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, du coup, avec cette énergie, que le marché est plus ouvert et offre plus d'opportunités aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Pour les gens qui aimeraient... Ah, tu penses aux DJ qui viendraient? Pas nécessairement les DJ, aux artistes ou aux organisateurs. Rentrer, en tout cas, en tant qu'acteur dans le monde de la nuit. Est-ce qu'il y a plus, c'est plus facile aujourd'hui qu'à l'époque? Est-ce raisonnable de vouloir monter un club? Oui, c'est ce que j'allais poser comme question. C'est un exemple parmi tant d'autres. En tant que directeur, je suis pas sûr que j'en ai propriétaire. Organiser une teuf, je pense que oui, il y a moyen même. Il y a tellement de collectifs et puis il y a maintenant une espèce de savoir-faire de... Général, il y a même des espèces de syndicats collectifs qui se sont créés avec où les gens se passent des idées, des plans, des machins. Donc je pense qu'il y a, y a moyen. Mais c'est le seul moyen parce qu'on est quand même tous dans des niches maintenant. Donc céder sa place, chacun à sa soirée qui génère 1000 ou 1200 personnes avec un réseau de DJ de 3-4. Et on est tous dans des niches. Hein, donc effectivement, pour arriver à passer entre tout ça, c'est très difficile. Donc, on va pas accueillir un DJ comme ça, tu vois. Donc le mieux, c'est de créer son propre truc, je pense. Je dis pas ça de manière cynique, hein. C'est un peu triste, mais effectivement, tout le monde a sa soirée avec... C'est clair, c'est aujourd'hui... Enfin, un type comme Romain Play, dont tout le monde savait que c'était un excellent DJ, il a décollé le moment où il a créé le camion bazar. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai. Mais donc, il y a C'est, vous estimez que c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui du fait de l'offre pléthorique de faire son trou dans le milieu de la nuit et dans le milieu de... A vu le nombre dans de la club culture, oui, ça, qu'à l'époque sûr. Où finalement il y avait peut-être une demande moins importante, mais où où il y avait moins d'acteurs. Bah il y a aussi le format aussi. Il y avait moins de demandes. Il y avait autant de DJ, mais il y avait autant. Je vais dire un truc un peu méchant, mais il y avait beaucoup de vrais DJ. Moi j'ai des DJ américains qui me disent que moi laptop, j'étais pas DJ, quoi, c'est tout. Comment sans vinyle, sinon c'est même pas la peine. Donc là il y a beaucoup de gens qui se revendiquent, qui arrivent avec juste un ordi et bon, c'est un petit peu difficile, quoi. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose aussi à revoir de ce côté-là, quoi. Pas de faire ses preuves, c'est pas un truc que j'aime, mais je veux dire, il y a une facilité aussi à diffuser de la musique n'importe comment. J'ai l'impression que c'est un peu le cas. On est en train de justement de repasser vachement. Et cette génération-là, effectivement, sur qui se joue en vinyle, qui sont passionnés, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, quoi. Dans ce domaine-là, dans la deep, justement, j'en connais pas mal comme ça, je les vois arriver, ils jouent qu'en vinyle, enfin, c'est extrêmement agréable à observer. Hein. Et donc, sinon, n'essayez pas de monter un club aujourd'hui. Ouais, je ne conseillerais pas forcément. Non, non, pas forcément, j'adore. Forcément. En plus, ça nous fera un concurrent de plus encore. Pas forcément, j'adore. D'accord, on va vous poser une dernière question. Et puis, ce sera le moment de clôturer cette émission qu'on aurait bien aimé prolonger. Mais... C'est une question habituelle, on va dire, dans l'émission. Si votre appartement brûlait, ce que l'on ne vous souhaite pas, et que vous aviez juste le temps de récupérer 3 disques avant de vous sauver, lesquels choisiriez-vous? Ça marche au naturel, instinct un peu au... Oh bah moi, il y aurait un Bowie, forcément, parce que là, je peux pas. Ou même 3 Bowie, d'ailleurs. Non, c'est très difficile. Ouais, c'est compliqué. Ouais, et puis, moi, je suis pas fétichiste. Forcément. Ouais, il y aurait sans doute un Pink Floyd aussi. Mais moi, je suis pas fétichiste et je trouve que justement, il y a un truc super qui s'appelle. Non, mais maintenant, on s'émerde. Les fichiers bien, Wave. Ouais, ce que j'allais dire. En fait, on se barre avec 3 clés USB, on a toute notre discothèque, tu vois. On laisse tomber, on pille les vinyles brûlent, on part avec les 3 clés USB, quoi. Je pense qu'on est tous les 3 des gens avec une culture musicale qui est un peu large. Oui, moi, ça va du gospel à la house, j'aurais vraiment. Moi, c'est pareil, tu vois. Il y aurait peut-être un concerto de Sibelius et puis du Coltrane et du Pink Floyd. Et... Pff, enfin, ça, c'est absurde en fait d'en choisir. Après, c'est vrai, on se ramène forcément au premier choc d'adolescent. Pour le cas, c'était Bowie qui a changé ma vie complètement. Donc, oui, c'est après, ça. Tu reviens vers ça, voilà, c'est un peu ça. Si c'est de toute façon, de se rassurer si tu veux. Ouais. Mais je serais très embêté de ne pas avoir de house. Non. Ni un Prince, ni un Gossip. Oui, mais quitte à souffrir. De jazz, ni tu vois, serait emmerdé. Quitte à souffrir, mieux vaut souffrir avec Bowie finalement. Exactement. Fabrice, peut-être un Pink Floyd, un Joy Division. Ouais, et puis pareil, c'est vrai qu'il m'en manquerait tellement que ça serait difficile. Mais je suis pas sûr que je partirais avec un 10 si mon appartement brûle en premier. Peut-être je penserais à mes enfants d'abord. Ouais, c'est ça, ça se trouve. Éventuellement. Quand même. En même temps, j'ai un garde-meuble pour mes disques, donc je suis à l'abri. J'ai fait 10 000. Plus 10 000. Je les ai de toute façon. Mais on aurait envie de tous les prendre, donc on sélectionnait 3. Je veux dire, en période d'incendie, on prend les 3 premiers qu'on trouve, hein, je crois aussi. Hein. Ouais. C'est peut-être ça, monsieur. Ah. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et bien nous on va se retrouver dans 2 semaines avec le 2e volet qui sera consacré à la club culture actuelle, du coup, dont on vous livrera le nom des invités un peu plus tard. On va balancer un jingle et puis à très bientôt. Droite, les doigts d'analyse. Sur ces 3.